Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a organisé le 28 courant une séance d'information sur la situation dans la péninsule coréenne à destination des représentants diplomatiques asiatiques en Corée. Y ont pris part les ambassadeurs laotiens, cambodgiens, malaisiens, indonésiens, iraniens et indiens, ainsi que les chargés d'affaires par intérim mongols, vietnamiens et pakistanais en Corée. Choi Hee-chol, directeur général chargé de l'Asie et de l'Océanie du ministère des Affaires étrangères, a informé de la position de principe de notre République sur l'actuelle situation dans la péninsule coréenne. Il y a fait remarquer que les États-Unis ont publié le plan d'opération de raid de précision sur les installations et les armements nucléaires coréens, lancé le sous-marin nucléaire Mississippi et autres biens stratégiques de toutes sortes dans la péninsule coréenne et à ses environs, et conduisent la situation de la péninsule coréenne à l'état extrémiste et de continuer. La cause principale de l'aggravation de la tension en Corée est le concept toujours erroné des États-Unis, et cette fois-ci encore, ils ont pris à la légère une décision stratégiquement très erronée. Dans la situation où les intérêts suprêmes de l'État sont menacés et que la situation dégénère en état incontrôlable à cause du renforcement continu des armements américains, notre République maintiendra toujours plus fermement la ligne de promotion parallèle de l'économie et des armements nucléaires, développera en permanence la capacité de première frappe nucléaire, exploitera toujours les armements offensifs stratégiques variés et les disposera aux postes militaires. Les pays asiatiques doivent savoir correctement que les États-Unis sont le fauteur de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne, incitant la République populaire démocratique de Corée à renforcer sans cesse la dissuasion physique, et ils sont appelés à contribuer à détendre la situation dans la péninsule coréenne.